Alors, bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre David Gilmour comme invité de la semaine. En fait, l'album de la semaine qui se trouve à être son plus récent live à Pompéi. On aura Circus de Trois-Rivières, Fruteria Tony d'Espagne, Ricard Showblooms Gunfly de Suède, Goblin d'Italie, on aura Horizont de Russie, le nouveau Wobbler de Norvège et on va conclure avec C'est le Grail de la République tchèque. Alors, pour l'album de la semaine, c'est David Gilmour live à Pompéi. C'est un spectacle qui se trouve à remémorer le 45e anniversaire du premier concert qui a eu lieu au même endroit en 1972. Concert qui avait été filmé à l'époque sans auditoire. Et aujourd'hui, il reprend ça, mais avec... en fait, il y a une seule pièce du spectacle de 2017 qui faisait partie du spectacle de 1972 et il s'agit de One of These Days. Et sur l'album qui aussi comprend un DVD et un Blu-ray, ben, on retrouve deux CD en fait, il y a presque deux heures de musique. Et il y a six musiciens qui accompagnent David Gilmour et trois choristes. Alors, parmi les pièces qui constituent ce spectacle-là, je vous propose « Wish You Were Here »,« Shine On You Crazy Diamond » et « Comfortably Numb ». Alors, on écoute David Gilmour. Role in a cage.

the big c'était David Gilmour avec le live à Pompéi de 2017. Et on a entendu Comfortably Numb, et ça a été précédé de Shine On You, Crazy Diamond. Et en début de bloc, nous avions Wish You Were Here. Alors après la pause, Circus de Trois-Rivières et Fruiteria Tony d'Espagne. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc avec Circus de Trois-Rivières, qui est une formation avec un album qui vient de sortir. L'album s'intitule Wild Dogs. C'est un album double. Il comprend 15 pièces et ça dure 2h20 minutes. Et la plus longue pièce, quand même, 19 minutes et 10 secondes. Et cet album-là, bien, c'est un agrégat de pièces composées au fil des ans et enregistrées avec les moyens du bord. Et on crédite ici trois musiciens, Alain Prou, Serge Doucet et C. Lucas Prou. Alors, la pièce que je vous propose, c'est Limbo. Et ensuite, nous aurons Fruiteria Tony. En fait, c'est un nouveau groupe, nouveau dans le sens qu'il y a un ou deux albums, en fait, qui leur sont crédités depuis 2014. Et aujourd'hui, bien, il y a une nouveauté qui s'appelle Tango Mis Dias Buenos, et on va entendre la pièce Elevado AN. Alors, on débute ça avec Circus de Trois-Rivières. Thank you. cantar, en su red todo gritaba. La cabra del monte bajó, por desgracia. Conchavado con Dios, hirsuto y ungulado, reciclaba el olor del sufrimiento pasado. Y desde un balcón piano de Rachmaninoff. Alors, ce que vous venez d'entendre, ça nous venait d'Espagne. C'est Fruteria Tony avec la pièce Elevado en tirée de Tango Mis Diaz Buenos. Et ça a été précédé de la formation trifluvienne Circus avec la pièce Limbo qui est tirée de leur plus récent album, en fait leur premier album. C'est un album double, il s'intitule Wild Dogs. Alors, après la pause, Ricard Schulblum, Goblin et Horizont. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission et on va entendre en première partie Ricard Schulblum qui faisait partie de la défunte formation Beardfish et qui aujourd'hui œuvre au sein de Big Big Train. On lui connaît un projet parallèle, Gunfly. C'est des musiciens, des collègues de Suède. Et ils ont trois albums à leur actif depuis 2009 et le plus récent s'intitule « On Our Journey to the Sun ». Et on va entendre une pièce du nom de Polymixia. Ensuite, je vous propose Goblin, cette formation qu'on a pu voir à Montréal la semaine dernière. Goblin qui nous a produit leur dernier album, en fait le 23e d'une longue série qui a débuté en 1975. Et puis, petite parenthèse, ça n'avait pas débuté en 1975 pour eux parce qu'il y avait eu un groupe précédent du nom de Cherry Five. dont les musiciens ont migré pour Goblin. Et Goblin a donc produit en 2015 son 23e album, Four of a Kind, et on va entendre une pièce qui s'intitule Uneven Times. Et enfin, nous aurons Horizon, qui est une formation russe. C'est pas très fréquent qu'on fait jouer des formations russes à l'émission. Et ce groupe-là était actif entre 85 et 89. Il nous a pondu deux albums, dont le dernier qui s'intitule « The Portrait of a Boy ». Et on va entendre un extrait de la pièce-titre. Alors, on débute ça avec Richard Schoblum, c'est-à-dire « Guns Fly ». We'll be right back. Alors, ça nous venait de la Russie, c'est la formation Horizon, et on a entendu de la pièce-titre The Portrait of a Boy, ça c'est paru en 1989. Auparavant, nous avions Goblin, et la pièce Uneven Times est tirée de l'album Four of a Kind, paru en 2015, et en début de bloc, nous avions Richard Schoblum, The Gunfly, et la pièce Polymixia, et c'est tiré de On Our Journey to the Sun. D'ailleurs, si vous voulez retracer les artistes et les pièces qui sont jouées à l'émission, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission. Vous aurez la feuille de route au complet. Alors, après la pause, une nouveauté de Wobbler et formation aussi de la République tchèque, Silver Grail. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on a une nouveauté du côté de la Norvège avec le quatrième album de la formation Wobbler. Et l'album s'intitule « From Silence to Somewhere ». Et je vous propose la pièce « Foxlight ». Et nous allons conclure l'émission avec une jeune formation de la République tchèque. Ils ont un seul album qui est paru en 2015. Et c'est un album homonyme. Alors, c'est « Silver Grail » et on va entendre « River of Fears ». Alors, on débute ça avec Wobbler. surrounded by the imagery of night. Here I lie, wondering as color thickens round. Here I lie, my sense revive the strength of the pieces change, and only the journey still remains. Forever must I clear the path on which I walk. turns hours into days. You turn back the clocks when nothing makes sense. You turn back the clocks when nothing makes sense. Closing your eyes. Alors, c'était des jeunes musiciens de la République tchèque et c'est le nom du groupe, c'est Silla Grail. Et on a entendu la pièce Rivers of Fears et ça, c'est tiré de l'album homonyme. Et en début de bloc, nous avions la nouveauté de Wobbler de Norvège et la pièce Foxlight tirée du dernier album From Silence to Somewhere. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 170e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de 13h à 15h, toujours sur les ondes du FM 89.1, c'est fou. À Trois-Rivières, bien entendu. Et de plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Vous avez qu'à rejoindre la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous cliquez sur le lien. Et vous aurez automatiquement accès à l'émission de cette semaine. Et si vous voulez accéder aux émissions archivées, ben vous allez aussi sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous trouvez le lien qui et vous y amènera. Et si vous voulez aussi avoir les détails concernant les pièces, les albums, les artistes qui ont passé durant l'émission, ben vous n'avez qu'à consulter encore une fois la page Facebook de l'émission. Alors, sur cette fin musicale, je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.